بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثامن بعد الثمانين 80 leçon et qui est la dernière de ce livre qui touche aux razawat, aux batailles. قال المؤلف حفظه الله تعالى. Donc il dit في سؤال الثامن عشر بعد 618 question. من هو الصحابي الذي قام بكتابة صلح الحديبية؟ Qui est le compagnon qui a écrit justement le pacte de conciliation qui a eu lieu à l'Hudaybiyya lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu avec ses compagnons pour pouvoir faire le Hajj et que les mouchikoun n'ont pas voulu et qu'ils l'ont porté à l'année d'après. Il s'agit de Ali ibn Abi Talib. D'accord, il s'agit de Ali ibn Abi Talib. Et d'ailleurs c'est dans ce pacte là que lorsque il fut écrit Mohammed Rasulullah, que les mouchikoun ont dit si nous avons supplié le message d'Allah, nous ne t'aurons pas désobéi. Donc le Nabi sallam a dit Tayyib min Mohammed ibn Abdullah. Il a voulu enlever Rasulullah. Et Ali n'a pas voulu à ce moment-là. Il a dit je ne peux pas enlever cette parole-là. Et le Nabi sallam a dit montre-moi ce qu'elle est écrite. Il lui a indiqué c'est lui-même qui l'a effacé par la suite du pacte. ثم قال في السؤال التاسع عشر بعد 600 متى كانت غزوة خيبر؟ Quand est-ce que la bataille de Khaybar a-t-elle lieu? Elle a eu lieu في السنة السابعة للهجرة, 7e année de la Hijra. ثم قال في السؤال العشرين بعد 600 620e question متى كانت غزوة مؤتة؟ Quand est-ce que la guerre de مؤتة a-t-elle eu lieu? في شهر جماد الأول من سنة الثامنة للهجرة. Elle a eu lieu en fait à la 8e année de la Hijra. ثم قال في السؤال 21 مارس 600 621 question ما هي الغزوة التي أعجب فيها المسلمون بكثرتهم فدقت عليهم الأرض بما رحبت وبلغت القلوب الحناجر. Il dit quelle fut la bataille de laquelle les musulmans furent impressionnés par leur grand nombre. D'accord? Par leur grand nombre et puis au final cela ne leur a été d'aucun secours. Et se sont sentis dans l'étroitesse sur terre. Et ont été pris par la peur. Il s'agit de Ghazwat Hunayn. Comme cela fait dans Surat Tawbah. C'est la guerre de Hunayn. ثم قال في السؤال 22 بعد 600 622e question, justement, quand cette bataille a-t-elle lieu? Ghazwat Hunayn. قال في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة. Au mois de Shawwal, à la 8e année de la Hijra. قال في سؤال 23 بعد 600 623 question متى كانت غزوة تابوك ومع من كانت. Quand est-ce que la guerre de Tabouk elle a eu lieu? Celle justement on avait cité que Ka'b ibn Malik n'avait pas assisté ainsi que Hillel ibn Umayya et Mirara كذلك ibn Rabi' n'ont pas assisté. Elle a eu lieu Fisana al-Tasi'a, la 9e année de la Hijra. Et elle a eu lieu entre les Muslimouns et les Abyssins. Ou plutôt, les Byzantins. Non, les Byzantins, un point. Les Romains, quoi. Les Romains. ثم قال في السؤال الرابع. الرابع وعشرين بعد 600. 624e question. ما هي السرية التي أخرج الله للمسلمين فيها حوت فيها حوتا عظيما ليأكلوا منه فأكلوا منه نحو من شهر. Justement, que fut justement ce commando pour lequel le Nabi pour lequel Allah Azza wa Jal justement leur a accordé de pouvoir manger d'un poisson immense. Et apparemment ça devait être une baleine. Durant laquelle ils ont mangé pendant un mois. Ils en sont nourris pendant un mois. C'est Sariyat Saif al-Bahar. C'est le commando de Saif al-Bahar. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Jabir. Dans le hadith de Jabir. Lors de cette bataille, justement, les Sahaba étaient sortis et ont subi une grande faim. Ils avaient très très faim. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est durant cette bataille que leur émir partageait entre eux une date. Une date à partager en plusieurs. Voilà, Moustaran. Ou soit c'était une date, ou alors c'est la bataille durant laquelle ils ont mangé des arbres, des feuilles des arbres, à tel point qu'ils en avaient des. Quand ils faisaient leurs besoins, leurs excréments étaient comme ceux du bétail, comme ceux des chèvres. J'ai un doute sur lequel des ors. En tout cas, ils avaient une faim, ils ont été frappés par une faim, une dure faim. Et ils ont dit, Asallah an yut'imakum. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont plombés auprès de lui, ils ont dit, il se peut que Allah vous nourrisse. Ensuite, ils sont rendus auprès de la mer. Et de là, ils ont vu un poisson énorme. Ils ont trouvé un poisson qui était énorme. Et ils en sont nourris. Vous voyez, ils en sont nourris. Ils l'ont fait cuire, ou ils l'ont fait en michoui, comme ils le disent. Et ils disent, ils en ont mangé jusqu'à ce que nous furent rassasiés. Et Jabir, il dit, pour voir justement la taille de cet animal, tant il était immense, il a dit, moi et 5 hommes, nous sommes rentrés dans l'orbite de son œil. Lui et 5 hommes, dans l'orbite de son œil, et personne ne nous voyait à l'intérieur. C'est-à-dire que juste l'œil, 5 hommes qui rentrent dedans. Et après, ils ont dit qu'ils ont pris l'une de ces côtes de ce poisson, ce qui prouve que ça doit être un mammifère marin, car il est connu que les poissons n'ont pas de côtes. Ils ont leurs arêtes avec les. Comme vous savez, comme c'est, mais des côtes, cela n'est donné qu'aux mammifères. Donc ça devait être une baleine. Ça devait être une baleine. Et ils ont pris l'une de ces côtes, qui elle-même était recourbée, comme vous le savez, et il a dit, nous avons choisi l'homme le plus grand, et le chameau le plus grand, et la selle la plus haute. D'accord ? La selle la plus haute, et il passait en dessous, c'est-à-dire cet homme grand, s'est assis sur ce chameau, par cette selle qui était très élevée, il est passé sous cette côte, sans que sa tête ne touche cette côte, c'est-à-dire il y avait encore l'espace entre lui et sa tête. Donc vous voyez la taille de la côte. Ce qui vous fait, ce qui vous amène à imaginer la taille de l'animal, qu'il était immense. Et il est connu que les mammifères marins les plus immenses sont les baleines. Wallahu ta'ala alam, de leur époque. Et d'ailleurs, lorsqu'il citait l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pourquoi ne vous avez pas emmené un morceau pour que nous puissions manger avec vous? En tout cas, ils en sont nourris de ce poisson-là pendant un mois. Pendant un mois durant. Ah bah, c'est une histoire qui est. Et c'est parmi les karamat, les miracles qui ont été accordés aux sahaba. Non. Donc de là s'achève la sikour liée à ce chapitre qui est lié au azawat, aux batailles livrées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il cite à d'autres points par la suite, mais inchallah pour écourter, nous n'allons pas les citer. Fa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.